troisième et dernier temps d'une semaine raccourcie de la Fabrique de l'Histoire autour de la question du secret, aujourd'hui la diplomatie à l'époque romaine. Pour conclure cette semaine courte de la Fabrique de l'Histoire autour du secret, demain à cette même heure, France Culture diffusera la messe de l'Ascension et c'est pour ça que n'y aura pas d'émission de la Fabrique demain. Nous vous proposons une plongée dans la Rome de la République et de l'Empire à la recherche des diplomates chargés de passer des accords, de négocier la paix ou la guerre ou d'autres accords avec les peuples qui menaçaient parfois l'ours. Nous le faisons en compagnie de deux chercheuses, Audrey Becker, elle est maître de conférences en histoire romaine à l'université de Lorraine à Metz, et Guylaine Studer, elle est maître de conférences en histoire romaine à l'université de Poitiers et elle sera avec nous en duplex depuis Rome. Bonjour Audrey Becker. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bonjour à vous Guylaine Studer. Bonjour. Merci d'être depuis la ville, depuis l'Ourps, puisque vous êtes à Rome en duplex avec nous et vous êtes maître de conférence en histoire romaine à l'université de Poitiers. Alors j'ai commencé peut-être avec vous parce que chronologiquement votre période est plus ancienne que celle sur laquelle travaille Audrey Becker. Cette question de la diplomatie qui vous intéresse et sur laquelle vous, vous travaillez est-elle si facile que cela ? Vous dites déjà que pour parler de la diplomatie traditionnelle, pourrait-on dire celle qui se fait presque ouvertement, l'historienne que vous êtes a beaucoup de mal à trouver des sources, mais alors j'imagine que pour la diplomatie secrète, celle dont on a parlé hier à propos de Jacques Foccart ou encore avant-hier à propos du secret des princes médiévaux ou encore de l'Amérique et des États-Unis du début des années 1910-1920, eh bien c'est encore plus difficile pour vous, non, Guylaine Studer ? Tout à fait. Disons que on est confronté aussi quand on travaille sur la diplomatie romaine. Déjà, un premier problème, c'est qu'on a tendance à nous nier le droit, je dirais, d'utiliser le terme de diplomatie pour désigner cette activité dans la mesure où il n'y a pas d'ambassade permanente et de ce fait aussi dans la mesure où il n'y a pas l'existence d'un terme qui renvoie au mot diplomatie, il n'y a pas non plus l'existence à Rome attestée d'un appareil d'État dédié à la diplomatie, ce qui fait qu'il est difficile d'aller chercher des archives sur la diplomatie parce que ce sont des archives de manière plus générale, politique, et donc il faut faire le tri et soi-même essayer de reconstituer cet objet diplomatique. Alors pour la question des sources, effectivement c'est difficile, et ce qui est difficile c'est qu'elles sont d'une part peu nombreuses, et d'autre part, ce sont des sources qui ont, enfin, on va dire qu'il y a un pacte historiographique qui tend à accepter d'inventer parfois des choses, ou en tout cas d'écrire certains éléments dont on peut douter, parfois vu le caractère un peu très, on va dire, on cherche l'anecdote. Oui, puis on cherche l'anecdote, on cherche le récit qui va frapper l'imaginaire, et on a du mal à croire que historiquement les faits se sont déroulés exactement de cette manière. Parce que pour tout comprendre de cela, ce sont des historiographes qui vous ont rapporté des faits qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de diplomatiques, surtout pour la période très ancienne de la République romaine, mais vous n'avez pas de documents comme en ont par exemple les spécialistes de la diplomatie contemporaine qui peuvent attester de tel ou tel accord ou de tel ou tel moment de négociation par exemple. Ça n'est que par des reprises de discussions qui sont reprises par des historiographes parfois un siècle ou deux siècles plus tard, que vous pouvez avoir témoignage ou précision, même si elle est difficile, cette précision, vis-à-vis de discussions diplomatiques, c'est cela, Guylaine Studer ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a des historiens qui racontent l'histoire de Rome et qui vont donc raconter parmi les faits de l'histoire romaine des faits qui se rapportent à la diplomatie. Mais on a très peu de documents directs. Les quelques rares documents directs qu'on a, ce sont des inscriptions qui nous donnent le texte même de traités. Et alors ça va venir d'une diplomatie entre le monde romain et le monde grec. Quelques inscriptions qui attestent de l'envoi d'une ambassade par les Grecs et où on honore Nord, l'ambassadeur qui a été envoyé à Rome. Mais de ce fait, on n'a pas de, effectivement, on n'a pas d'archives qui ont été conservées. Alors, cela dit, dans les sources qu'on utilise, des sources qu'on appelle des sources littéraires, ce qui montre aussi à cette frontière entre enfin, notre vision de l'histoire de comme science et de quelque chose, voilà, de la littérature, on a des auteurs comme Tite-Live, par exemple, dont on dit parfois que lorsqu'ils transcrivent certains éléments se rapportant à des faits diplomatiques, transcrivent en fait les archives du Sénat qu'il a pu consulter directement ou indirectement. D'accord. Et donc tout notre travail, c'est là la difficulté, en fait, c'est de séparer le bon gré, le bon grain du de livret, effectivement, et d'essayer de voir ce que, qui peut nous servir et ce qui peut être un matériau considéré comme authentique de ce qui va être considéré comme de la fabulation pour donner un peu de piment au récit. Notamment, par exemple, avec des auteurs comme Tite-Live. Alors, ça, c'est pour la diplomatie ouverte, pourrait-on dire. Si on écrit sur une pierre, s'il y a un témoignage gravé d'un accord, eh bien là, on sait qu'effectivement, c'est un accord que tout le monde doit connaître ou a pu connaître d'une certaine façon. C'est beaucoup plus difficile pour une diplomatie qu'on appellerait secrète, dont on parlait dans les autres émissions d'hier et d'avant-hier. Et là, vous êtes souvent réduites les unes ou les autres, ou les uns ou les autres, à beaucoup de conjectures. Que se dit-il quand on n'écrit rien, par exemple, quand tout est oral? Est-ce qu'on a la possibilité d'aller un peu plus loin dans la connaissance, justement, de ces négociations secrètes entre Romains, par exemple, et populations qui entourent l'Empire romain? Eh bien, si on prend un exemple d'une rencontre qui a été décrite un peu dans le détail par Polybe, qui est généralement considéré comme une source un peu plus fiable, hein, Polybe, auteur du IIe siècle avant Jésus-Christ, et quasi contemporain des faits qu'il rapporte, et puis surtout appartenant à une élite qui lui a permis de fréquenter, on va dire, ceux qui ont participé à ses activités diplomatiques. Si on prend donc un témoignage de Polybe assez précis, on a par exemple une rencontre décrite entre Flamininus, le général romain, face à Philippe V de Macédoine, à Nicaïa, donc on est en 197 avant Jésus-Christ, et donc il rapporte les négociations qui se font d'une façon un peu étrange, c'est-à-dire que Philippe V n'a pas confiance ni dans les Romains, ni dans les alliés grecs des Romains, et donc il négocie depuis son bateau. Ils ont jeté l'ancre dans la baie de Nicaïa. Et les Romains, avec leurs alliés grecs, eux, se trouvent sur la plage. Et donc, la discussion, là, on ne peut pas parler de diplomatie secrète, parce que ça, on voit bien que le contexte oblige à parler fort et à se faire entendre de tous. En revanche, ce que nous dit Polybe, c'est qu'à un moment donné, alors que la situation est bloquée, Flamininus et Philippe V acceptent de se rencontrer tout seuls et vont... ensemble sous la tente du général, celle de Flamininus, et discutent. Et là, Polybe ne nous dit pas ce qu'il s'est dit, mais on sait, là, on a un témoignage, en tout cas, d'un moment de diplomatie secrète, et qui permet effectivement de dénouer l'opposition, on va dire, entre Philippe V et surtout les alliés grecs, et qui permet d'arriver à un accord provisoire, en tout cas, avant un accord définitif. Donc voilà, c'est des petits moments parfois qui nous sont donnés, d'échanges, on va dire, qui sont un peu plus... Alors, auparavant, j'employais le terme de officieux, qui, peut-être pas le plus à même, mais peut-être de diplomatie informelle. Oui. Audrey Becker, vous travaillez sur des périodes plus tardives, en particulier les périodes de l'Empire romain tardif, aux environs du 4e ou du 5e siècle. Vous avez connaissance, vous, de choses qui peuvent ressembler à ce que vient de dire Guylaine Studer pour ces périodes-là, c'est-à-dire d'une diplomatie qui serait, disons, un peu, alors je ne sais pas si c'est officieuse par rapport à une diplomatie plus officielle. Oui, alors tout à fait. Alors autant on se trouve confronté au même type de problème par rapport aux sources, autant à partir du 5e siècle, certaines sources nous permettent de connaître des actes de diplomatie qu'on peut qualifier d'officieux ou peut-être de secrets. Alors ce sont des récits, en particulier je pense à Priscus, qui est une source du 5e siècle, et qui est une des rares sources, pour ne pas dire la seule, qui émane de quelqu'un qui a participé à des ambassades, en particulier il participe à des ambassades auprès du roi Attila, et il en fait le récit. Et dans ce récit, enfin plus que de deviner, on prend conscience de l'importance justement de ces négociations secrètes ou de l'aspect officieux, pour reprendre le terme utilisé par Guylaine, de la diplomatie à cette époque. Qu'est-ce qu'il dit par exemple justement de ce parallélisme entre diplomatie ouverte, plus connue aux yeux de tous d'une certaine façon, et une autre diplomatie qui serait plus discrète en tous les cas, Audrey Becker? Alors il ressort très clairement de son récit par exemple que l'ambassadeur n'est pas censé négocier, ce n'est pas l'ambassadeur qui négocie. C'est le personnel, pour employer ce terme, autour de l'ambassadeur qui doit négocier. Et en l'occurrence, dans son récit, on comprend que Priscus lui-même négocie pour l'ambassadeur. Et que parfois même, l'ambassadeur n'a pas connaissance des démarches qu'il entreprend auprès de certains nobles à la cour d'Attila. Et donc, on devine à travers ce témoignage, justement, l'importance de ces démarches officieuses. Bon, ça, c'est une chose. Et par ailleurs, son témoignage décrit aussi un complot qui échoue contre Attila et qui permet là aussi de mettre en lumière l'importance de toutes ces négociations officieuses. Oui, ce complot, il faut peut-être le raconter. On parlera d'autres complots en compagnie de Guylaine Studer, mais ce complot est assez intéressant. Ah oui, il est tout à fait intéressant. En réalité, c'est un complot qui est fomenté à la cour de Constantinople en 449, alors que des ambassadeurs sont reçus. Et de façon secrète, l'un de ses ambassadeurs est pris à part par l'empereur et son grand chambellan. Il s'appelle Edeco. Edeco, tout à fait. Edeco est donc pris à part par à la fois l'empereur Théodose II et son grand chambellan. Il l'isole du reste de la délégation des Huns pour lui proposer de participer à un complot visant à tuer Attila. Et Edeco accepte donc. Alors, dès qu'il retourne à la cour d'Attila, il s'empresse de dénoncer le complot. Mais il n'empêche qu'on voit dans la démarche cette importance de ces négociations officieuses, parallèles, et là, dans le cas présent, totalement secrètes. Oui, et il y a un interprète romain, je crois, qui joue un rôle dans ce complot et la dénonciation de ce complot, enfin, qui est lui-même partie prenante, qui s'appelle Vigilas, c'est ça ? Vigilas, tout à fait, qui est donc un interprète romain, qui a l'habitude de participer aux ambassades échangées entre Constantinople et la cour d'Attila. Et Vigilas est finalement le seul membre de l'ambassade au courant de ce complot, puisque l'ambassadeur officiel, Maximinus, Priscus lui-même ne sont pas au courant de ce complot. Ils ne l'apprennent finalement que lorsque ce complot échoue. Alors, vous avez des exemples semblables, Guylaine Studer. Vous racontez dans un de vos articles, vous vous posez la question, comme beaucoup d'autres, de savoir pourquoi des Allobroges, donc des Gaulois, on appellerait ça des Gaulois aujourd'hui, se trouvent à Rome en 63. Qu'est-ce qu'ils y font? Et effectivement, on est là aussi dans un autre type de complot, puisque c'est un complot qui est mené par des conjurés, dont Catilina, pour pouvoir renverser la République en 63 avant notre ère. Et donc, il y a un rôle, là aussi, joué par des populations qui sont sous la coupe de Rome, de la République romaine, mais qui, d'une certaine façon, vont jouer, bon gré mal gré, des intermédiaires pour un complot possible pour renverser la République, Guylaine Studer. Oui, tout à fait. Donc, on est effectivement en 63 avant Jésus-Christ, sous le consulat de Cicéron. Parce que je le précise, parce que c'est justement cette présence de Cicéron qui va nous permettre aussi d'avoir un peu plus d'éléments et d'avoir force détail, dans la mesure où, en prononçant ces catilinaires et surtout en les publiant, il a permis de connaître un peu le détail des événements. Donc, on a une ambassade d'Allobroges, cette population gauloise du sud-est hein, de la Gaule. De ce que nous considérons la Gaule. Et qui se rendent à Rome pour une raison qu'on ne connaît pas très bien, mais il faut savoir quand même que durant les décennies qui ont précédé, les relations n'ont jamais été très bonnes entre les Romains et les Allobroges. À plusieurs reprises, ils ont dû intervenir militairement pour calmer des révoltes. Peut-être est-ce cela qui explique donc que lorsqu'il y a un complot, celui de Catilina, qui se développe à Rome, les Allobroges sont peut-être faciles alors à corrompre, c'est la vision sous-entendue par les Romains, mais peut-être tout simplement à persuader hein, de se soulever contre Rome. Et donc, ce que nous dit Cicéron, et ce qui sera repris dans des versions, notamment celle de l'historien Salluste, c'est que ces Allobroges donc, rencontrent les complotistes, pas Catilina, parce que lui-même n'est plus à Rome, en 63, mais ils les rencontrent et ils doivent justement porter un message à Catilina pour signifier donc le rassemblement des forces et donc le fait que les Allobroges sont prêts à faire jonction, on va dire, à se soulever. Alors cet élément est dénoncé auprès de Cicéron, qui ne va pas intervenir directement, ce n'est pas un grand militaire, mais donc il envoie les magistrats à Rome, les préteurs, qui vont intercepter ces Allobroges au pont Milvius, qui est un pont qui se situe au nord de Rome, mais qu'il faut savoir qu'il est pratiquement à 3 km du centre de Rome, donc déjà assez loin, en pleine nuit. Et donc les armes vont être sorties, ce qui pose problème parce qu'on n'attaque pas normalement des ambassadeurs, mais face aux forces romaines, les Allobroges d'eux-mêmes décident de cesser le combat et surtout de livrer les lettres dont ils sont porteurs pour Catilina et qui vont être les preuves qui vont permettre à Cicéron d'agir, d'arrêter tous ceux qui font partie du complot à Rome et de les faire exécuter. Oui, alors cela, évidemment, c'est un coup de chance, pourrait-on dire, pour l'historienne que vous êtes, comme d'ailleurs le récit de Priscus sur Attila, que d'avoir un moment comme cela de complot raconté par des gens qui en sont proches, Cicéron d'un côté ou Priscus de l'autre, puisqu'il est très proche de ces questions des ambassadeurs auprès d'Attila. Mais c'est tout de même très très rare dans les nombreux siècles que donc Rome a connu comme grande république et ensuite grand empire. C'est très très rare pour vous, Guylaine Studer. Oui, effectivement, on a peu de renseignements. Alors, ce qu'on sait quand même, généralement, c'est qu'il y a une méfiance à l'égard des ambassadeurs. Parce que, justement, on n'est pas dans un système de diplomatie pérenne, pas d'ambassade qui tisse des liens avec la population locale et avec les autorités locales surtout. Et donc, un climat souvent de défiance. Et donc, un ambassadeur qui se rend à Rome doit aussitôt faire montrer patte blanche, on va dire se présenter, qui ils sont, de qui ils sont accompagnés, pourquoi est-ce qu'ils viennent, etc. Et quand ils ne le font pas, c'est arrivé à des ambassadeurs illyriens notamment, quand ils ne le font pas, ils sont aussitôt rejetés de Rome, quasi manu militari, parce qu'ils sont accusés d'espionnage et de vouloir participer à des actions contre la ville, contre la République. Voilà, c'est ça, contre la République. Et c'est d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs très intéressant, et ce que vous racontez très bien, Guylaine Studer, dans votre travail, c'est que cette diplomatie dont vous nous dites qu'il est difficile de l'appeler diplomatie, mais qu'on appelle tout de même par facilité diplomatie, cette diplomatie romaine est tiraillée entre deux types d'approches. Un type d'approche qui vient de la question de la religion, avec des diplomates au départ qui sont des prêtres, une vingtaine de prêtres, qu'on appelle ça les fessiaux. Voilà, la diplomatie fessiale, dites-vous. Et puis de l'autre côté, des légats qui sont un corps laïc, les légati qui sont peut-être plus proches de ce qu'on appellerait aujourd'hui des ambassadeurs ou des messagers ou des négociants de paix ou de guerre avec Rome à l'époque. Et cette difficulté de classer dans l'une ou l'autre de ces deux catégories ceux qui sont des émissaires est une difficulté que vous rencontrez, même si les fessiaux vont progressivement, visiblement, disparaître au profit des légats. Oui, alors ce personnel, alors qu'on classe dans la catégorie du personnel diplomatique, ou qu'on appelle généralement des prêtres ambassadeurs, donc ces fessiaux, sont avant tout des prêtres, plus que des ambassadeurs, en tout cas dans notre imaginaire, enfin ce qui correspond au mot ambassadeur pour nous, dans la mesure où ils ne négocient pas du tout. Ils sont là juste pour, même pas transmettre un message de Rome, mais pour s'assurer que les relations avec un n'importe quel interlocuteur état externe, sont conformes à ce qui a été établi devant les dieux. Donc, ils font rentrer les dieux dans la négociation, c'est ce que ils font rentrer les dieux dans la négociation, enfin, c'est-à-dire dans une idée de où plutôt que de parler de diplomatie, il faudrait parler de justice. C'est-à-dire que si un tort a été commis à l'égard de Rome, ce sont les fessiaux qui vont s'assurer que les dieux étant pris à témoin, justice va être réparée. Mais inversement, je veux dire, il est tout à fait possible aussi qu'un État porte plainte, en quelque sorte, contre les actions de Rome ou de certains Romains, et demandant à ce que justice soit réparée. Donc, ce qui explique des gestes qui nous apparaîtraient, ou qui peuvent nous apparaître aujourd'hui, comme étant des gestes rituels, des comportements rituels dans la rencontre entre ces fessiaux de cette catégorie de prêtres et les interlocuteurs que la puissance étrangère, le peuple étranger leur donne quand ils se rencontrent. Ils ont des actes ou des gestes qui peuvent être sans mots d'ailleurs parfois, et dont vous dites qu'on a quelques témoignages dans les archives, qui sont un peu particuliers à notre regard aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire que pour conclure un traité de paix, on les voit porter des herbes, des werbenas, c'est-à-dire donc des rameaux de branches. On les voit aussi arracher des mottes de terre du Capitole qu'ils vont transporter avec eux pour aller consacrer des traités. Ils vont jeter des lances sur le territoire ennemi pour marquer donc le début des hostilités. Autant de gestes qui, en fait, ne peuvent se pratiquer qu'avec des populations qui partagent un peu ces codes et ces rites et qui expliquent que dès le début du 3e siècle avant Jésus-Christ, dès le moment où Rome va rencontrer enfin, et discuter beaucoup avec des populations grecques, notamment en Italie du Sud, avec Tarente notamment, qui est la grande puissance d'italienne, enfin de la péninsule italienne à l'époque, eh bien les Romains, on va dire, laissent de côté ces rites ou du coup, ou plutôt les adapter pour que ça reste à Rome. Mais que ce ne soit plus en interaction, on va dire, avec ces populations qui ne comprendraient pas forcément ces traditions, Et on c'est va dire. là où interviennent, peut-être d'ailleurs concomitamment, on ne sait pas très bien, des legati, des légats qui sont donc des ambassadeurs laïcs, dites-vous, qui ne sont plus des prêtres, qui vont là négocier effectivement avec ceux qui sont les partenaires des Romains, à la fois la diplomatie formelle, la diplomatie informelle, les protocoles à mettre en œuvre entre des puissances qui sont soit sur le territoire de la République et qui participent à la République romaine, soit qui sont à l'extérieur. C'est cela, Guylaine Studer? Oui, tout à fait. Ce sont donc on va parler de legati. C'est ce qui fait aussi qu'il vaudrait mieux, quand on parle de diplomatie romaine, parler de légat que d'ambassadeur pour rester sur des réalités plus proches de celles qui étaient à Et on Rome. peut dire que le pape, avec les légats du pape, est l'héritier lointain de ces legati romains de l'époque de la République. Tout à fait, de la même façon qu'ils ont des messagers qu'on appelle des nuncii et qui a donné le mot nonce. Donc c'est tout un vocabulaire qu'on retrouve, qui a été repris Par le par le pape. pape, tout à fait. Mais donc ces légats, ce sont des vraiment, ils ont été mandés par, alors par qui? Par Rome, mais plus exactement par le peuple ou par le Sénat, ça c'est une question qui fait débat. C'est-à-dire est-ce que c'est vraiment une décision collective ou est-ce que c'est une décision justement uniquement du Des hauts Sénat? magistrats, des hauts magistrats du Des Sénat. hauts, voilà, c'est de l'entité, de l'organe, de l'institution qui dirige finalement la vie politique à Rome. Et donc ces légats vont être envoyés, mais néanmoins, ils n'ont pas une marge de négociation très grande, puisque normalement ils sont censés appliquer uniquement la mission pour Qui leur a été laquelle donné avant de partir. qui leur a été donnée avant de Et vous partir. dites qu'ils ne sont pas véritablement libres d'agir en tant que diplomate. On considérait aujourd'hui qu'un diplomate a peut-être une marge de négociation plus large que celle des légatis que vous décrivez. Guylaine Studer, vous les trouvez, ces légatis, dans cet empire romain du 3e ou du 4e ou du 5e siècle sur lequel vous travaillez, Audrey Ah Becker? oui, tout à fait, on retrouve exactement le même type de vocabulaire. Donc on parle aussi de légat, avec ceci de compliqué que pour la première fois, les Romains ont à discuter, ces légats ont à discuter avec ce qu'on appelle des barbares, enfin ce que les Romains considèrent comme des barbares, donc des peuples avec lesquels ils n'avaient jamais eu à négocier ou à discuter jusqu'à présent. Donc ça complique encore considérablement la tâche de ces légats. Vous voulez dire que quand on négocie avec des allobroges, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ils sont dans l'orbite romaine depuis plus d'un siècle, un siècle et Exactement, demi, et tout à donc fait. ils connaissent les pratiques romaines, ils connaissent les rituels romains, alors que quand on se retrouve face à Attila, eh bien, il faut faire un petit effort pour pouvoir se faire comprendre, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver confrontés, ces légats, à des populations qui n'ont pas forcément les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes façons de négocier, et peut-être plus difficile encore à admettre pour les Romains, ils sont tout simplement obligés de négocier avec ces peuples. Jusqu'à présent, les barbares sont des peuples qu'on bat, on les soumet, mais on ne négocie pas avec eux. Et à partir du 4e siècle, se pose justement la question de la négociation. Comment faire? Déjà, pour accepter de négocier avec ces peuples qu'on considère à l'égal finalement d'animaux, ni plus ni moins. Donc ça demande déjà une évolution. Et puis ensuite, il faut s'adapter à son interlocuteur. On ne peut plus rien lui imposer d'une certaine façon. Par exemple, vous évoquiez le cas d'Attila. Effectivement, au début du 5e siècle, lorsque des légats se trouvent confrontés finalement à des envoyés d'Attila, ils se rendent compte qu'ils négocient à cheval. Alors, c'est pas du tout une habitude romaine. Et plutôt, finalement, que d'être en situation d'infériorité en descendant de leur cheval, tous ces légats vont chacun rester sur son cheval et ils vont négocier pour la première fois de cette façon. Donc, ce qu'on constate avec ces légats, c'est que finalement, ils vont être capables de s'adapter à leurs interlocuteurs pour faire face finalement à une situation d'infériorité souvent militaire. Et c'est vrai pour l'Empire d'Orient comme pour l'Empire d'Occident, en l'occurrence, puisque à Constantinople, on va devoir accueillir des ambassadeurs barbares, par exemple. Et là, il va falloir trouver aussi la manière de les accueillir. Vont-ils rendre hommage à l'empereur à Constantinople ou pas? Comment vont-ils le faire? Et il y a un rituel qu'il va falloir apprendre. Exactement. Alors, on retrouve toutes les mêmes problématiques qu'évoquait Guylaine tout à l'heure, compliquées par le fait que l'empereur est maintenant chrétien. Non seulement il est chrétien, mais que dans l'idéologie impériale, il est d'une certaine façon le représentant de Dieu sur Terre. Et à ce titre, lorsqu'il reçoit en audience, la personne reçue doit de faire une proskynèse, de reconnaître d'une certaine façon Une triple génuflexion. Exactement, plus qu'une génuflexion, hein, puisqu'à la troisième génuflexion, on doit s'aplatir complètement devant l'empereur et lui baiser les pieds. Donc c'est vraiment un rituel qui marque la supériorité de l'empereur. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsque ces ambassadeurs arrivent à Constantinople, alors ils sont d'abord reçus en amont et il semblerait qu'on leur explique quand ils ne sont jamais venus ce qu'on attend d'eux et que globalement ils se soumettent à ce rituel. Alors du moins, les peuples barbares s'y soumettent, les vrais premiers problèmes se posent avec les envoyés musulmans qui, eux, vont tout faire pour éviter précisément d'avoir à effectuer ces génuflexions devant l'empereur. Beaucoup plus tard, C'est donc dans la Byzance d'après le 7e siècle en l'occurrence, mais ce que vous racontez, c'est que ces barbares arrivent, ils apportent des cadeaux à l'empereur, on mesure la richesse de ces cadeaux et on les fait attendre. De quoi récupérer des cadeaux semblables ou similaires de peu près de même prix qu'on pourra leur offrir? Donc c'est le don et le contre-don de Marcel Mauss. On est tout à fait chez Malinowski et chez Marcel Mauss. Et donc ensuite l'empereur va ouvrir la possibilité de venir le voir. Donc il y a un temps d'attente tient à l'évaluation des cadeaux faits par ces barbares qui arrivent à la cour de Constantinople. Alors le temps d'attente tient en partie justement effectivement à l'évaluation de ces cadeaux. C'est-à-dire que l'administration impériale va évaluer pour savoir ce qu'il convient d'offrir en échange. Le temps d'attente peut aussi être lié à des manœuvres diplomatiques dilatoires, parce qu'on peut faire attendre ces ambassadeurs pour bien leur faire comprendre c'est des manœuvres secrètes, effectivement. Exactement. Voilà. Alors ces temps d'attente, parfois on cherche à les raccourcir au maximum pour éviter précisément des problèmes d'espionnage. Alors on sait en particulier que certains ambassadeurs perses ont pu être accusés d'espionnage parce qu'ils séjournaient trop longtemps ou qu'ils avaient des contacts trop rapprochés avec la population de Constantinople, tout à fait. Un extrait de l'air de Dabella dans l'interprétation de Maria Callas dans l'Attila de Verdi. C'était donc l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire dirigé par Nicolas Ressigno. On continue notre émission consacrée dans cette série de la Fabrique de l'Histoire sur le secret à la diplomatie à l'époque romaine avec nos deux invités, Audrey Becker qui est spécialiste de la fin de l'Empire romain des 4e et 5e siècles et même ce qui a continué du côté de Byzance ensuite, et puis Guylaine Studer, qui est en duplex avec nous depuis les studios de la RAI à Rome, que nous remercions de l'y accueillir. Toutes les deux, vous êtes maîtres de conférences en histoire romaine. Guylaine Studer, il y a quelque chose qu'il faut dire peut-être à ce niveau de la discussion, c'est combien le travail que vous menez, l'une et l'autre, nuance peut-être ce qu'on croyait savoir sur la Rome qui impose sa volonté au peuple voisin. Vous dites qu'en travaillant sur cette République romaine, sur cette période pré-impériale, vous avez découvert combien il y avait de négociations, de discussions, de débats, et pas simplement à la fin de l'Empire romain que connaît bien André Becker, parce que sous la pression des peuples dits barbares, on est obligé de négocier, mais on négocie beaucoup sous la République romaine aussi, dites-vous. Oui, tout à fait. Mais effectivement, lorsque j'ai commencé ma thèse, alors qui remonte à des siècles, même encore un peu antérieurs, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, donc au moment où Rome commence à peine à conquérir la péninsule italienne, il s'agissait de voir justement quelles pouvaient être les pratiques d'une Rome qui n'était pas en position de force et qui, de ce fait, était, on pouvait l'imaginer, obligée de s'adapter et de discuter et d'ouvrir le dialogue avec ses interlocuteurs. Mais même par la suite, on voit que ce dialogue continue. Alors, bien évidemment, ce sont des positions qui s'opposent parfois sur une vision très impérialiste de la politique de Rome, une vision qui montre que Rome... Donc, c'est plutôt du genre c'est oui ou c'est non, et sinon on vous tape dessus. Voilà, j'ai cru comprendre, c'était un peu ça tout de même c'est la diplomatie. Ça. Mais enfin, il y avait la possibilité de dire oui ou dire non pour celui qui était en face, en l'occurrence. Oui, et puis ce qu'on voit finalement dans ces discussions, c'est que ce que Rome négocie, c'est autant effectivement un objet précis, c'est-à-dire un traité de paix, un accord, de nouvelles relations qu'elle cherche à établir, qu'une image d'elle-même qu'elle veut diffuser, on va dire, auprès de ses interlocuteurs. Et notamment, c'est surtout dans les premiers temps, mais elle cherche à se montrer, à adopter les pratiques et les usages d'une cité grecque, parce que c'est une façon aussi, quelque part, d'amadouer ces cités grecques, en disant, vous allez rentrer sous ma coupe, mais non pas sous la coupe d'une cité barbare, mais sous la coupe d'une cité grecque, comme vous. Donc, c'est tout ça. Vous voulez dire que ça. Les Romains cherche à prendre les usages des cités grecques, qui sont différents ces usages de ceux qui étaient pratiqués auparavant par la République romaine. Et on va donc montrer aux Grecs qu'on est capable de discuter avec eux sur un pied d'égalité avec les mêmes références. C'est ce que vous voulez dire, Guylaine Studer ? Oui, c'est ça, de parler effectivement avec des références communes et de montrer donc qu'ils vont pratiquer aussi par la suite des politiques qui sont acceptables, on va dire, par des Grecs. Alors c'est surtout vrai au début, lorsque Rome a besoin de construire son image, parce qu'elle est puissance émergente et que beaucoup de peuples et d'États autour d'elle se demandent qui est cette Rome qui monte comme ça, qui prend de plus en plus d'importance. Mais c'est vrai encore après, avec, justement, je parlais tout à l'heure de Flamininus, c'est un homme qui va mener une politique qu'on appelle philhellène, alors par goût personnel aussi pour l'hellénisme, mais aussi c'est une façon de se présenter comme un pouvoir qui n'est pas totalement étranger et qui n'est donc pas totalement hostile non plus aux Grecs. Et il négocie autant les accords qu'il négocie cette image de Rome qu'il veut donner. Et on va finir par... vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'espace dédié, pourrait-on dire, de lieu de la diplomatie romaine, mais j'ai cru comprendre en vous lisant qu'il y avait un lieu qui s'appelait la Graecostasis, donc sur une racine grecque, qui est un espace va être l'espace des affaires diplomatiques à Rome. Ce lieu, on le retrouve sur le forum quelque part ? Alors effectivement, il se trouve sur le forum, plus exactement, il est tout à côté du comitium, voire structurellement lié au comitium. C'est un espace qui aujourd'hui est impossible à fouiller parce qu'il se trouve, on va dire, grosso modo, sous l'arc de Septime Sévère. Ah, donc, pas de bol. Voilà. Quasi impossible d'espérer un jour retrouver les traces de cette Graecostasis. Alors, c'est d'une racine grecque, oui et non, parce que on a donc Stasis, ça c'est se tenir debout, c'est du grec, mais Graeco, c'est le mot romain, le mot latin pour désigner les Grecs. Si on voulait un mot totalement Ah grec, on oui, aurait dit Hellénostasis. Hellénostasis, bien sûr. Donc, c'est la preuve là aussi d'une appropriation, on va dire, par les Romains de cet espace. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est Varron qui nous dit que cet espace, on l'appelle Graecostasis parce que ce sont principalement des ambassadeurs grecs qu'on retrouve là et qui attendaient là. Et donc, certainement que cette tribune, on va dire, les débats montrent qu'elle a pu apparaître très tôt dans l'archéologie de, enfin dans les structures archéologiques que l'on voit, peut-être dès le 6e siècle. Mais néanmoins, c'est quand même plus tard, lorsque Rome développe sa diplomatie, que des ambassades viennent de tout le monde, de tout le pourtour méditerranéen et se rendent à Rome pour attendre son arbitrage, que certainement cet espace a été dédié. Donc c'est plutôt cette graecostasis, c'est la preuve, la manifestation, on va dire, de la puissance diplomatique de Rome. De Rome. Audrey Becker, j'imagine que entre la République romaine et l'arrivée des empereurs, il y a peut-être un changement de pied. Vous êtes spécialiste, vous, de la période justement de l'Empire romain. Qu'est-ce que ça change d'avoir un empereur plutôt qu'une république, d'avoir un Sénat qui n'a peut-être pas le même rôle qu'il avait du temps de la République dans ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la question de la diplomatie, de la négociation avec ces peuples qui, à partir d'un certain moment dans l'Empire, et assez rapidement, vont commencer à tenter de pousser les portes de ce même Empire, trop riche, trop grand, trop fort. Peut-être un peu schématiquement, mais simplement, l'empereur personnifie le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, maintenant, c'est l'empereur. Et c'est quelque chose qui s'affirme au fur et à mesure. Alors, peut-être pas directement au 1er siècle, où il reste toujours cette apparence de république dirigée par le princeps, mais progressivement, c'est bien l'empereur qui prend en charge à la fois, évidemment, les questions militaires et ce qui va avec, c'est-à-dire les questions diplomatiques. Jusqu'au 4e siècle, la diplomatie dépend de la guerre. On a une diplomatie après avoir vaincu un peuple ou après avoir gagné une bataille, une guerre. À ce moment-là arrive l'activité diplomatique, qui est donc le fait du général. Et le premier des généraux, c'est l'empereur. À partir du 4e, 5e siècle, c'est toujours l'empereur qui est à la tête de la diplomatie, mais il n'est plus nécessairement un général. Et la diplomatie, les lieux de la diplomatie se déplacent. C'est-à-dire que maintenant, la diplomatie se fait dans le palais de l'empereur. Alors, autant qu'on puisse le saisir à travers les sources, alors c'est tout à fait attesté à Constantinople, on le devine à Rome puis à Ravenne, c'est-à-dire que progressivement, la diplomatie se détache de l'activité militaire et elle va se faire à la cour, plus nécessairement sur le champ de bataille. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important dans Et l'évolution à des partir du structures. 4e siècle, et donc de la christianisation de l'Empire, l'empereur n'est plus simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, un empereur donc tout puissant par la force militaire de l'Empire, mais il est aussi représentant de Dieu sur Terre, et donc il doit y avoir une complexification. Vous avez travaillé en particulier sur la place des évêques dans les négociations qu'il pouvait y avoir parfois avec des envahisseurs potentiels ou des gens qui étaient déjà sur le territoire de l'Empire romain. Et donc il y avait des discussions, des débats. Il n'y a plus simplement des legati Non. laïques, comme on le disait auparavant, mais il y a aussi des hommes de foi, de la chrétienté qui vont participer et vont Tout à là fait. aussi complexifier le rapport à la diplomatie. C'est-à-dire que l'échelle de la diplomatie change. À partir du 5e siècle, en particulier en Occident, l'Empire n'a plus de structure sur place. C'est-à-dire que progressivement disparaissent les structures administratives. Et lorsqu'arrivent les peuples barbares, on peut penser par exemple aux invasions d'Attila. Lorsqu'Attila assiège une cité, il n'y a plus d'interlocuteur administratif et c'est l'évêque. C'est l'évêque qui va se charger à ce moment-là d'aller au-devant du roi barbare qui assiège sa cité. C'est l'évêque qui va prendre en charge finalement la négociation avec le roi barbare. Et vous dites d'ailleurs que les aristocrates Oui. romains vont commencer à vouloir nommer quelqu'un de leur famille et de leur gens, Exactement. peut-être à la place de l'évêque, parce qu'ils comprennent que en absence de tout pouvoir civil, Civil. pourrait-on dire, eh bien c'est l'évêque qui tient la cité. Et donc à partir de ce moment-là, il est doté non seulement d'un pouvoir qui est lié à la cité elle-même et donc à la pratique civique, mais aussi de ce pouvoir divin qui peut lui permettre d'être le primus inter pares de ces cités. C'est exactement ce qui se passe au 5e siècle. En quelques exemples, parmi les plus connus, Sidoine Apollinaire qui devient évêque de la cité de Clermont après avoir mené une carrière civile, mais au bout d'un moment, face à l'impossibilité finalement de mener une carrière civile en Gaule, puisque l'Empire n'est plus là concrètement, eh bien il devient évêque. Ce n'est pas le seul, on en connaît plus d'une dizaine, et ce sont eux qui prennent à charge, alors soit les négociations face à Attila, à Attila ou face à d'autres envahisseurs, soit par la suite, une fois que ces rois barbares sont installés, ce sont eux qui vont à la cour de ces rois barbares et qui vont négocier finalement avec eux le quotidien ou l'organisation de ces états. Et ils vont d'ailleurs, de ce fait, participer à la romanisation de ces rois barbares. Parce qu'ils vont apporter avec eux leur culture, leur façon d'envisager le monde, ils vont apporter avec eux leur langue. Et les rois barbares sont très réceptifs à ce genre de choses. On le sait peu parce qu'on connaît peu ces siècles-là, Audrey Becker, mais il faudrait peut-être nous raconter ce qui se passe dans ces rencontres, comment ça se passe. Ces rois barbares sont présents sur le territoire, ils assiègent des villes, ils y restent très longtemps, ça peut durer plusieurs années, donc à partir d'un certain moment, on n'est plus simplement dans un raid avec des barbares qui repartent, on est avec des gens qui s'installent sur le territoire et avec lesquels il faudra négocier en permanence, Audrey Becker. Exactement, c'est-à-dire que première moitié du 5e siècle, on est dans une situation de raid où les évêques doivent négocier que leur cité ne soit pas complètement détruite. Enfin, du moins, ils doivent négocier dans des situations d'urgence. Et progressivement, lorsque ces rois barbares s'installent, concluent des traités avec l'Empire et sont donc maintenant légitimement installés sur ces territoires, les évêques deviennent leurs principaux interlocuteurs. Et pour certains d'entre eux, ces évêques s'installent à la cour. Ils négocient, ils discutent avec ces rois qui ne sont d'ailleurs pas encore chrétiens, mais ariens. Mmh. Alors on peut penser par exemple à Avit de Vienne, à la cour du roi Burgonde Gondebaud. Avit de Vienne est évidemment un évêque chrétien. Il ne cherchera jamais à convertir le roi Gondebaud. Mais pendant tout le règne de Gondebaud, il exercera sur lui une influence tout à fait prégnante. On le voit dans les lettres qu'il écrit. Et on comprend à travers les lettres qu'écrit Avit pour le roi lui-même, que ce roi est extrêmement cultivé, qu'il connaît très bien l'Ancien Testament, qu'il lit couramment le latin, qu'il a des discussions théologiques extrêmement poussées. Donc une image très très loin des images d'Épinal qu'on a souvent sur ces rois. Oui, vous dites qu'une partie de la sainteté va se réfugier dans cet acte diplomatique, que beaucoup d'entre eux, de ces évêques, vont devenir des saints parce qu'ils auront joué un rôle dans la protection d'une cité, dans la capacité à négocier qu'on ne tue pas la totalité des membres de cette cité ou qu'on ne la détruise pas et qu'on la brûle pas, par exemple. Tout cela participe à la création de ces premiers saints, en particulier sur le territoire de la Gaule du 4e ou du 5e. C'est-à-dire que la littérature hagiographique qui se développe à partir du 6e siècle fait de ces hommes des saints parce qu'ils ont réussi à négocier avec ces rois barbares. C'est-à-dire que c'est leur action politique qui finalement est récupérée et est à l'origine de leur sainteté. Alors c'est quelque chose qu'on peut voir avec Saint-Aignan par exemple ou avec d'autres. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça montre à contrario l'importance finalement politique qu'ont pu avoir ces hommes. Et finalement, ce sont eux qui sont les principaux interlocuteurs de ces rois barbares sur le terrain. Oui, vous citez même la toute fin de ce qu'on appelle traditionnellement l'Empire romain, la fin du 5e siècle. Un roi wisigoth commence à attaquer l'Empire, va s'attaquer à la ville de Clermont qui va lui résister. Il s'appelle Euric, ce roi wisigoth, en 469-474. Oui, et donc, on va lui envoyer des négociateurs. On lui envoie d'abord des négociateurs, dites-vous, qui sont des laïcs, enfin qui correspondent à ses anciens légats, un questeur du palais, par exemple, Licinianus, qui ne va pas réussir à négocier avec lui. Et donc, ensuite, on va... disons, parce qu'on n'est pas parvenu à un accord, envoyer là aussi un homme de foi, un chrétien. Oui, alors tout à fait. On a des traces à travers en particulier les lettres de Sidoine Apollinaire que j'évoquais tout à l'heure, d'ambassades qui auraient été envoyées à Euric pour lui demander de cesser ces pillages. Alors parmi ces ambassades, effectivement, certaines auraient été menées, on n'est pas tout à fait sûr, par des évêques gaulois, et puis une autre par Hénote, qui est un évêque qui arrive d'Italie. Et cet évêque va réussir à faire plier le roi wisigoth. Il va réussir, et ce qui est tout à fait intéressant, il va réussir là où les autres ont échoué, les négociateurs civils, parce que précisément il sort du rapport de force politique. Il ne se présente que comme un évêque. C'est-à-dire qu'il empêche finalement l'affrontement politique pendant la diplomatie. Et en se présentant comme un homme de Dieu, en se présentant seul face au roi, on constate qu'il arrive à le faire plier. Et Euric, alors contre toute attente, finalement va céder, va accepter les demandes de cet évêque qui réussit finalement là où toutes les autres ambassades ont échoué. Et quelles étaient ces demandes justement que ne voulait pas accepter au départ ce roi wisigoth? Alors en particulier, ce qu'il voulait, c'était que cet affrontement cesse et qu'il conclue un traité avec l'empereur d'Occident, qui était à ce moment-là Julius Nepos, et qui est complètement dépassé, qui n'a plus lui-même les moyens d'envoyer des ambassades. C'est 2 ans plus tard que l'Empire s'effondre. Oui, c'est le dernier empereur effectivement malheureusement, 2 ans plus tard, perd son trône. Et à ce moment-là, cet évêque italien de Pavie réussit à finalement amener Euric à conclure un traité. Et ce traité de 475, finalement, il consacre l'indépendance du royaume des Visigoths. Les Visigoths sont maintenant reconnus par l'empereur. Leur indépendance est reconnue. Et à ce moment-là, les conflits s'arrêtent. Alors, ça résout pas, ça pacifie pas tout, mais du moins, au moins, cet évêque trouve-t-il une solution pour mettre fin à ce conflit? On voit bien, en écoutant Audrey Becker, Guylaine Studer, combien ce travail que vous menez l'une et l'autre à des périodes différentes de la Rome antique, vous sur la République et Audrey Becker sous l'Empire finissant, elle n'aime pas que je dise l'Empire finissant, parce que l'Empire continue évidemment du côté de Byzance et du côté de Constantinople. Ah, ça ne s'arrête pas parce que l'Empire d'Occident s'effondre, mais enfin, disons, voilà, que effectivement, ce que l'on a connu à Rome s'effondre donc à ce moment-là, au 5e siècle, et on voit bien combien c'est intéressant de s'approcher de cette question de la diplomatie, parce qu'elle permet aussi de travailler sur les rapports de force, sur aussi tout ce qu'il y a derrière ces rapports de force, la vision du monde que peuvent avoir les Romains de leur rapport avec l'autre. Oui, tout à fait. C'est même, on va dire, presque l'enjeu, on va dire, des études sur la diplomatie. En tout cas, pour la période sur laquelle je travaille, j'aimerais bien faire une histoire à parts égales. Façon Romain Bertrand. Voilà, tout à fait. Qui a écrit donc une histoire à parts égales pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas lu, oui. Qui est un livre assez formidable, qui raconte l'arrivée des premiers Hollandais dans la baie de Banten, du côté de l'Indonésie, donc à la fin du XVIe siècle, et qui a écrit une histoire à parts égales, parce qu'il souhaitait justement raconter cette histoire du point de vue des deux côtés, pourrait-on dire, alors qu'on l'avait souvent raconté d'un seul point de vue, du côté des Européens. Tout à fait. Et on va dire, c'est sûr, ça serait le rêve de l'historien que de pouvoir faire la même chose. Alors, c'est parfois plus facile avec le monde grec, où on peut avoir une documentation propre, mais pour tout un certain nombre de peuples, les Gaulois par exemple, mais aussi tous ces peuples d'Italie avant la romanisation, même Carthage et les peuples d'Espagne, on n'a pas les sources qu'il nous faut pour raconter les deux côtés de cette diplomatie, comment est-ce que la diplomatie romaine est vécue. Donc, de ce fait, on n'a que le regard romain, et plutôt que d'adopter une attitude défaitiste en se disant on ne peut pas faire grand chose, et bien justement exploitons à fond quel est ce regard romain, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette diplomatie et qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'image de Rome qu'ils transmettent à travers la diplomatie. Et ça donne des résultats qui sont assez intéressants, donc comme définition de soi, de l'image, comment est-ce que les Romains se perçoivent eux-mêmes, quelle image est-ce qu'ils veulent donner à l'autre, et dans quelle mesure est-ce qu'on voit des choses nouvelles arriver dans cette identité de Rome et qui viennent certainement de l'extérieur. Oui, Alexandre Riosborne nous disait lundi combien dans les interstices, pourrait-on dire, de la documentation secrète américaine, on trouve évidemment, si c'est secret, on ne garde pas de traces, mais il y a toujours des non-dits qui apparaissent dans des traces multiples et qui permettent de retracer justement cette vision tiraillée des Américains vis-à-vis d'eux-mêmes, parfaite démocratie, rêve-t-il, et nécessité d'une action qui ne corresponde pas aux valeurs que l'on a. Vous connaissez ça aussi, Audrey Becker, pour la... J'avais jamais pensé à ce parallèle, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'Empire romain 4e, 5e siècle se voit à cette idéologie de l'Empire de l'empire sans frontières, hein, sine fine, et qui se trouve confronté à une réalité qui est tout autre. Maintenant, il a face à lui des peuples qui lui imposent des frontières. Et il y a cette espèce de dédoublement entre l'idéologie d'un empire sans limites, sans bornes, et la réalité de la diplomatie. Et on retrouve quelque chose qui fait penser à ce que vous évoquiez à l'instant pour la République américaine. Dites-nous pourquoi vous avez consacré un article que j'ai trouvé tout à fait succulent au rire d'Attila. Audrey Becker, justement, ça a à voir avec ce que vous racontiez tout à l'heure, à savoir ce complot contre lui, cette idée que à Byzance, à Constantinople, il y avait eu quelqu'un qui avait tenté de soudoyer un de ses proches qui, au retour, avait révélé le complot contre Attila qui voulait donc l'assassiner. Et à un moment, vous nous racontez pourquoi Attila rit ou ne rit pas, plutôt, à la cour, devant ceux qui lui sont proches et devant aussi des Romains. Tout à fait. Alors j'ai consacré plusieurs articles à Attila parce que je trouve que c'est précisément le mal-aimé de l'historiographie européenne, particulièrement française. Quand on parle d'Attila, on évoque les destructions, on évoque toute une série de choses. On parle assez rarement de, finalement, de sa diplomatie, et qui est une diplomatie qui est tout à fait maîtrisée. C'est-à-dire qu'Attila, tout ce que fait Attila d'un point de vue diplomatique est complètement maîtrisé. Il a autour de lui des hommes tout à fait compétents. Certains viennent même sont romains. Et donc oui, cet épisode du rire, c'est-à-dire que ça m'a semblé intéressant d'essayer d'envisager Attila autrement, c'est-à-dire sortir des stéréotypes et voir ce que les sources nous disent précisément. Et cette scène est assez, assez curieuse, puisque alors qu'Attila reçoit en banquet des ambassadeurs romains, se produit devant toute cette assemblée un nain qui s'appelle Zercon et qui effectivement... Qui est bègue, qui est difforme, donc qui parle une sorte, un sabir, un mélange de différentes langues et qui fait rire toute l'assemblée à l'exception d'Attila. Alors, pendant très longtemps, l'historiographie a mis cette absence de rire sur le fait qu'Attila n'avait pas d'humour. Enfin, c'était quelqu'un qui était inaccessible à tout ça. Et si on lit bien les sources, on peut peut-être trouver une explication un peu différente. S'il ne rit pas, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on le voit rire. Parce que le Zercon est précisément en train de se moquer finalement des Huns devant des ambassadeurs qui viennent de l'Empire d'Orient, qui symbolisent cet Empire d'Orient, l'accès à la culture. Et l'image que veut renvoyer de lui à ce moment-là Attila, à mon avis, est totalement différente de celle que montre Zercon. C'est-à-dire qu'il veut renvoyer l'image d'un roi qui se maîtrise, d'un roi qui est capable de modération, d'un roi qui finalement est l'image du souverain parfait. Et par opposition peut-être à ce qui se passe à ce moment-là à la cour de Théodose II, où on est très très loin de cette modération. À la cour de Constantinople. Constantinople, oui. Oui, et donc effectivement, c'est une autre raison qui fait qu'il ne rit pas, c'est par justement pour ne pas montrer, pour ne pas rire aux blagues de ce nain qui se moque des Huns alors qu'il est le souverain de ces mêmes Huns. Exactement, il y a quelque chose de cet ordre-là, tout à fait. Et donc, on voit bien combien on peut tirer quand on s'intéresse à cette question de la diplomatie et du rapport entre l'Empire romain finissant ou débutant avec justement des peuples alentours. On peut tirer beaucoup de choses de ces textes qui sont pourtant lus et relus par des générations, qui ont été lus et relus par des générations d'hellénistes ou encore de spécialistes de l'Empire romain. Merci encore à vous, Audrey Becker. On peut vous lire dans des articles en allant sur les bonnes plateformes que sont Cairn, que sont revue.org, Open Edition ou encore Percée peut-être, tout un tas de plateformes sur lesquelles on trouve vos articles, en l'occurrence, Audrey Becker. Tout à fait. Même chose pour vous, Guylaine Studer. Tout à fait. Voilà. Donc, des livres en préparation, l'une ou l'autre? De mon côté, là, justement, je travaille à la publication de la thèse. réflexion sur la négociation pour acquérir et mettre en place l'Empire. Donc, à venir. Et pour vous, Audrey Becker? Et pour moi, un ouvrage sur la mise en scène du pouvoir à Constantinople et dans les royaumes barbares, une comparaison. Merci beaucoup, Audrey Becker. Merci beaucoup, Guylaine Studer. Et merci à nos confrères de la RAI qui vous ont accueillis dans leur studio à Rome. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati et Victor Massé de l'Épinay, qui n'a pas pu nous rejoindre au dernier moment, mais nous le saluons tout de même. Anthony Thomasson nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet était à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Notre adresse, c'est Fabrique FC. Et puis notre adresse mail, c'est fabrique@radiofrance.com.